Son père fut sous parc à des terres. J'ai radote son passé. Des charges d'alebarde de lance. Des brutales gestes de roi. Et ton destin planétaire. Sinon des pages froissées. France, il en reste quoi? Berger allemand, tu t'es pris combien de barrières pour ramasser si seulement? Allez, relève-toi, ma grosse, envoie les crocs à Grèce, laisse les cicatrices atroces et grogne bien! Ils ont toujours eu peur des chiens. Qui du bout de leur jolie canne la crèverait bien cette peste. Si droit devant, loin dedans les lumières, je te souhaite gloire.